participants sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Je ne sais pas si Dieu existe, je suis agnostique. L'agnostique est trop souvent jeté dans le même sac que l'athée, c'est une erreur. Voilà, juste une phrase de ce livre que nous avons tant aimé, un hosanna sans fin, il paraît jeudi, aux éditions Héloïse d'Ormesson. De quelle institution située à Quai-Conti à Paris faisait partie Jean d'Ormesson? Je vous laisse quand même répondre, Héloïse. Ah mais c'est à moi de répondre. C'est à vous de répondre. Vous connaissez la réponse. L'Académie, non pas du tout. L'Académie française. Bravo. Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné ce livre qui paraît, je vous le rappelle, jeudi prochain. Merci beaucoup d'être venu évoquer Jean d'Ormesson. Merci. À vous. Qui est vivant grâce à la littérature et aujourd'hui grâce à vous. Incroyablement présent. Bonne de toute façon, la lecture prête vie à l'auteur. Merci beaucoup, Héloïse d'Ormesson. Merci à toute l'équipe. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Merci, Yves. Et si vous pouvez monter deux secondes, expliquer la phrase du livre que vous avez lu à Hervé Pouchol, ça, qui comprend pas ce que vous avez voulu dire. Là. Mais il comprend très bien Pouchol. Non, c'est pas dans des agnostiques. Il fait bien semblant de ne pas comprendre, si vous voulez mon avis. Merci, Yves. Passez une bonne journée. Bonne émission. Nous sommes en direct, nous sommes lundi. C'est l'émission qui tente de régler vos problème par la négociation et surtout par la bonne humeur. Voici l'émission que vous nous avez envoyée aujourd'hui. C'est parti. Je vous appelle du Calvados. Je vis avec mon mari et nos trois enfants dans un logement social indigne. On est cerné par les moisissures et les champignons. On craint pour notre santé et surtout celle de nos enfants. Il y aura aussi le cas de Sabine. J'ai fait appel à une entreprise pour mon déménagement. J'ai réglé 2 215 €. Il y a plein de choses qui n'allaient pas. Certains objets ont été cassés. Cette entreprise s'est engagée à me rembourser 600 € en septembre. Nous sommes en novembre et je n'ai toujours pas été indemnisée. Et puis toujours le grand débat de la quinzaine, quand on achète une maison avec une annonce dans une petite agence justement de vente de maison qui vous met excellent état et que le toit est complètement à refaire, qui a raison, qui a tort, nous reviendrons sur le cas de Géraldine. Je vous appelle de Loire-Atlantique. Sur l'annonce de l'agence de la maison, elle était en bon état et habitable immédiatement. Je l'ai donc achetée en toute confiance. Malheureusement, un mois plus tard, la maison prend l'eau de partout. Il faut que je refasse la charpente et le toit terrasse. Et il y en a pour 30 000 €. Il y a aujourd'hui, pour régler tous ces problèmes, la grande avocate pénaliste au barreau de Paris, Maître Noakovitch est là. Bonjour Sylvie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Felloneau bonjour qui est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a la tous. Double négociation, Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Céline, JB, Charlotte, réalisation Xavier Kassovitch. Soyez les bienvenus sur RTL. Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment en faisant le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou alors, si vous recherchez la gratuité totale, il y a Facebook, la page ça peut vous arriver, ou encore RTL.fr. Si tu t'es fait arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. J'accueille maintenant Patricia sur l'antenne d'RTL. Patricia, bonjour. Bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Ah, dis donc, on a vraiment un vrai problème avec le téléphone. Soit les gens ont une voix, on a l'impression que vous avez la voix des témoins qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse dans les reportages. Mais je vous assure, mais ça ne vient pas de vous, je pense que ça vient de notre matériel. Ou alors, ce n'est pas à exclure non plus de l'incompétence du technicien réalisateur qui travaille avec moi depuis 20 ans maintenant. Oh, vous pourriez le faire, on ne s'en apercevrait pas. Alors attention, nous allons... Patricia, on va parler sérieusement parce que votre cas, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté le petit teasing tout à l'heure, concerne vraiment toute votre famille, vous en avez ras-le-bol. Il y a, je le signale, Maître Dominique Courtois, pardon, le docteur qui est en ligne avec nous, notre consultant médecine. Bonjour Dominique. Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Allez-y Patricia, expliquez bien lentement et fort le but de votre appel. Alors, nous sommes entrés dans notre logement en location, qui était neuf en octobre 2008. Très vite, des premières traces de moisissures sont apparues. Depuis, malgré nos courriers, des appels, les photos, la situation n'a toujours pas changé. Alors, quand vous les appelez, que vous leur dites tout ceci, est-ce qu'ils viennent au moins sur place pour voir ce qui se passe? Parce que je rappelle quand même, hein, et je le dis sous contrôle de Maître Noakovitch, qu'il y a des problèmes de santé. Quels sont ces problèmes de santé, Patricia? Les enfants, arrivés l'hiver, ils toussent. Il y a toujours, on a toujours l'impression qu'il y a une allergie quelque part, mais rien n'a été décelé exactement. Alors, Dominique Courtois, vous confirmez que les moisissures, les champignons, tout ce que l'on trouve dans les placards, dans le plafond, peut avoir des répercussions sur la santé ? Bien sûr, Julien. Ce qu'il faut expliquer aux auditeurs en deux minutes, c'est que ce n'est pas les moisissures en elles-mêmes, mais elles se reproduisent en émettant des spores qui sont dans l'air. Et manifestement, quand vous êtes dans l'habitation, vous respirez ces moisissures. Et ça peut entraîner énormément de complications, Julien. Des complications au niveau des voies respiratoires supérieures, ce qu'on appelle le nez, la bouche, le pharynx. Il y a des sensations de brûlure, de sécrétion dans la gorge, écoulement nasal. Ça peut entraîner des irritations au niveau des yeux et au niveau de la peau. Mais surtout, Julien, c'est que même si les personnes ne présentent pas de symptômes, ils vont être sensibilisés par ces moisissures et dans toute leur vie future, ils pourront développer ces types d'irritations, de démangeaisons. Effectivement, les enfants sont les personnes les plus exposées, les plus sensibles, qui souvent développent de l'asthme un peu plus tard. Ok docteur, alors est-ce qu'il y a une responsabilité du bailleur du coup, maître Novakovic, avant qu'on lance l'appel? Oui bien sûr, là on peut parler d'insalubrité, comme nous l'a rappelé le docteur Courtois. Vous avez un logement insalubre, à partir du moment où il y a un problème pour la santé, c'est le cas aujourd'hui. Alors, qui s'occupe de cela dans ces conditions? L'agence régionale de la santé. On peut saisir la mairie, qui elle-même pourra saisir l'agence régionale de la santé. Nous-mêmes, on peut lui téléphoner pour l'alerter, mais dans tous les cas, bien sûr, le bailleur a une responsabilité, donc il faut le contacter. Dans une seconde, Patricia, nous allons donc appeler le bailleur. Ça va se passer sur l'antenne d'RTL. Vous ne bougez pas. Et l'objectif, c'est qu'il fasse le nécessaire pour éradiquer les moisissures au plus vite. Et à défaut de solution, que l'on vous reloge dans un appartement sain. Allez voir quand même les photos sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. On voit vraiment, c'est pas de l'exagération. Hein. C'est pas la toute petite tache de moisissure. Là, je me demande d'ailleurs comment elle fait pour pouvoir respirer. Tellement les murs entiers sont attaqués, des plinthes jusqu'au plafond. On se retrouve dans une seconde. Il y aura un deuxième cas derrière Charlotte. Le déménagement de Sabine ne s'est pas passé comme prévu. Beaucoup de choses auraient été cassées. La société s'était engagée à lui rembourser 600 euros, mais elle n'a toujours rien. Logement insalubre, malheureusement, c'est d'actualité. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous faites le 3210 ou le Facebook. La page, ça peut vous arriver pour passer ce matin. Vous êtes sur RTL, la première radio de France. On se retrouve pour l'appel. À tout de suite. Intermarché vous propose d'écouter 9,90€. Eh, hey, t'as vu? Elle est belle, hein? Ouais, super belle. Bah, en même temps, c'est normal. Elle est LED. 9,90€, c'est le prix de notre guirlande LED. C'est notre meilleur prix et c'est maintenant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 55 566 pièces disponibles. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Tu sais que le nouveau arrive jeudi. Qui ça? Le Beaujolais nouveau. Et qui dit Beaujolais nouveau dit Pisse Dru. Pisse Dru? Oui, en rouge, en rosé ou en village, Pisse Dru, c'est le vin du Beaujolais nouveau. Tout frais, tout fruité, tout gauléant et tout nouveau. Depuis 1955, le Beaujolais nouveau a un nom, Pisse Dru. PisseDru.fr, participez à notre jeu concours. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron? Oh là, je crains le pire. Bah désolé, mais vous allez voir rouge patron. Hein. Parce qu'aujourd'hui et demain chez Lidl, ils font la barquette de 250 grammes de tomates cerises à 69 centimes. 69 centimes, la barquette de 250 grammes de tomates cerises? Tu me mènes en bateau là? Ah non, en barquette de 250 grammes patron. Eh ben on est très mal. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,76€ le kilo, catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non? Ah, je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sortie de toit Pujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage? Trouvez votre installateur Pujula sur pujula.fr. Pendant ce temps chez Renault, faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99€ par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000€ plus 36 loyers de 99€. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39€ hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. On a pensé à vous avec ces biscottes complètes bio netto fabriquées à partir de farine de blé française. Leur prix? Imbattable. 1,49€ seulement. Avec nos 3000 produits netto, on répond à tous vos besoins du quotidien. Netto, le discounter qui fait la différence. 300 grammes, soit 4,97€ le kilo, modalité sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tu vois, la clémentine de Corse se reconnaît à ses feuilles vertes. Of course. À son goût unique. Of course. Elle est pleine de soleil. Of course. Clémentine de Corse, of Corse. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la Collectivité Territoriale de Corse. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous sommes sur un problème de logement insalubre, Charlotte. L'histoire de Patricia, c'est un cas d'urgence. Elle craint pour la santé de sa famille. Elle vit dans un logement social indigne. La moisissure et les champignons envahissent les lieux. Il y a des photos sur notre page Facebook. Et c'est parti pour l'appel. Céline est en train de composer donc le numéro du bailleur social. Vous allez vous occuper, Hervé, de la négociation. Voyons si on nous répond directement. Bonjour et bienvenue à la Plaine Normande, au siège la social Plaine de Normande. Si vous êtes locataire, tapez 1. Si vous êtes demandeur du logement, vous avez en raison d'un grand fait. Nombre d'appels, nous les locataires ne peuvent vous répondre actuellement. Nous vous conseillons de renouveler votre appel avant 11h ou après 17h. Ouais. Merci. Avant 11h, c'est bien. Bah oui, mais on est en plein dedans. On a d'autres numéros, hein. Je pense que celui-là ne va pas répondre. Ça, c'est le numéro pour avant 11h. On a un numéro pour après 14h, un numéro pour entre 15h et 16h15, un numéro non, pour... Non, ça a raccroché. Ah, d'accord, ben voilà. Bon, ben dites donc, la Plaine Normande, mon petit Hervé, il va falloir commencer à trouver une solution. Vous vous aimez bien, en plus, la Normandie. Ah, moi, je suis un fan de la Hérouville en Vexin. Eh bien, très bien, très joli. C'est très, très joli. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais ceci étant dit, c'est bien de le préciser. Mais en vrai, c'est très joli. Mais là, je peux vous dire que le problème de Patricia, c'est pas aller d'habiter dans le Vexin, c'est de ne plus avoir de moisissure. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ma petite Céline ? Eh bien, je vous propose de faire un autre numéro standard de ce bailleur. Allez, c'est parti. Nous appelons donc la Plaine Normande, l'agence d'Hérouville-Saint-Clair. Voilà. Et moi, je me suis trompé, je vous ai dit Hérouville en Vexin. Bien sûr, mais voilà. Ça, c'est pas grave. Vous savez, on ne relève même plus, Hervé. Quand vous parlez, on se doute qu'il peut y avoir une petite dose d'approximation que l'on estime en général entre 80 et 90%. La personne au poste numéro 0. Alors, la personne au poste n'est pas là. Non, j'ai d'autres numéros, hein, si vous voulez. De notre côté, on est lundi, il est 9h41, elle n'est pas encore en poste, c'est bien normal. Donc on essaie un troisième numéro. Allez. Pour la Plaine Normande. Le lundi matin, à notre décharge, ne soyons pas mauvais esprits, c'est souvent le jour des réunions. Exactement. Pour savoir, tout le monde se réunit ou l'on... Dans un premier temps, c'est quoi 40% de la réunion, c'est « Qu'est-ce que t'as fait, toi, Dédé, ce week-end ?»« Bah non, Dédé, je te l'ai dit qu'il fallait pas aller là-bas. Vas-y, plutôt, au mois de mai, tu verras. Là, tu vas... Et toi, tu pêches toujours, Mauricio ?» Ben oui. Et puis après, il y a une petite part de réunion sur ce qui va se passer dans la semaine. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de... Oui, mais c'est le cas. C'est le cas. Alors, vous allez tenter maintenant, si vous le voulez bien, d'appeler la maison mère, Hervé, oui. Hors antenne. Et vous me le passez, hein, dès que vous l'avez, puisqu'il y a une maison mère qui se trouvait à Caen. Donc, on essaie. Vous voulez dire Sylvie Novakovic. Également la mairie, il faudrait l'appeler, effectivement. Ah bon, bah, alors allons-y tout de suite, hein, pourquoi bien pas. Bien sûr. Parce que la mairie peut nous aider. Parce ah bah, qu'elle est... Tout à fait, d'ailleurs, la mairie s'en est déjà mêlée. Elle a déjà mis en demeure, effectivement, le bailleur de faire le nécessaire. Donc là, il est temps de relancer. C'est la mairie pour qu'elle nous aide dans cette mission. Je tiens également à préciser qu'en 2011, semble-t-il, il y a déjà eu des dégâts des eaux et des problèmes. D'accord. Donc l'affaire ne date pas d'hier. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Et également qu'il y a une procédure d'expulsion qui a été lancée, mais ça n'empêche rien. Alors, nous allons essayer d'avoir la mairie d'Hérouville. C'est parti. Eh bien, ça sonne, mais pour l'instant, on a personne. C'est le répondeur qu'on entend. Ouais, bon, écoutez, dès que ça décroche, vous me faites la petite alerte. C'est parti. Et nous allons attaquer le deuxième cas dans une seconde, si vous le voulez bien, après avoir écouté sur l'antenne d'RTL ce titre-là d'Imani. Avec Don't Be So Shy dans une seconde. En cas de Sabine, des objets ont été cassés lors de son déménagement. La société s'est engagée à l'indemniser à hauteur de 600 euros, mais toujours rien. À n'importe quel moment, une alerte sur le cas numéro 1, juste après Imani sur RTL. Come on, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Timani et ses Don't Be So Shy sur RTL. Donc deux cas ont été lancés. On rappelle que de la main droite, nous essayons d'aider Patricia. Elle habite dans un logement qui était neuf à son emménagement en 2008. 10 ans plus tard, c'est tout autre chose. L'appartement est envahi de moisissures, ce qui est très mauvais pour sa santé et celle de ses enfants. Et il y a Hervé qui essaie d'avoir absolument quelqu'un, soit chez le bailleur social, soit à la mairie. Madame Moutier, ne quittez pas. Oui, qui se trouve donc au bailleur social. Bonjour Madame Moutier. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Madame Moutier. Pardonnez-moi de vous déranger, j'essaie d'aider une auditrice qui s'appelle Patricia Fauvel, qui visiblement a son appartement envahi de moisissures. J'ai vu quelques photos et nous essayons de voir comment nous pouvons l'aider. Est-ce que vous avez peut-être du nouveau sur ce dossier? Ah, ok. Eh oui, bien sûr. Écoutez, je vais vous demander de me rappeler et de me laisser des coordonnées que je vous rappelle cet après-midi. Je suis en réunion ce matin et je ne peux pas vous répondre. Bon, mais on va appeler au siège alors, parce que moi, malheureusement, madame, je suis en train de faire mon émission en direct et je comprends tout à fait que vous soyez en pleine réunion, mais nous, il faut qu'on avance un peu. Et puis elle, surtout, malheureusement, attend depuis pas mal de temps qu'il se passe quelque chose avec cet appartement envahi de moisissures. Donc, vous dépendez bien, on est d'accord, du siège qui est à Caen, hein, avenue de Verdun. Oui. D'accord. Oui. Eh ben, on va appeler le président. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir, Madame Moutier. Au revoir, monsieur. Alors, on va laisser Madame Moutier dans sa réunion. Maintenant, les choses sont claires, elles sont nettes, elles sont précises. Il ne faut pas insister. Quand les gens sont en réunion, on n'est pas là pour les embêter, simplement pour leur demander s'ils veulent bien nous donner une ou deux explications. Donc, Hervé, vous me faites une opération. Alors, Hervé est un peu frustré parce que, si vous voulez, il a réussi à voir cette dame. Il s'est fatigué pour le faire. Et là, tout d'un coup, il voit que je n'insiste pas. Donc, il est reparti avec son téléphone à la main, la tête entre baissée, comme. Bon, je suis. Alors, moi, il demande d'appeler des gens. Alors, quand je t'appelle, après, il est propre. Voilà, là, il tourne. Hein, voilà, je le vois tourner dans les couloirs. Là, ça y est, apparemment, il est dans les locaux d'RTL2 qui sont un peu plus loin. Qu'est-ce qui est arrivé, Hervé? Lui demande l'animateur d'RTL2. Il me demande d'avoir des. Il passe devant Fun Radio où l'animateur lui demande pourquoi il fait la gueule. Ben voilà, et ça peut durer comme ça jusqu'à la fin de la journée. Et elle vient de me raccrocher. Ben bien sûr. Ça, c'est pour couronner le tout, c'est le bouquet final. Mais je ne suis pas là pour embêter les gens, ils travaillent. On les appelle gentiment s'ils ne peuvent pas. Vous m'appelez, s'il vous plaît, le président et vous verrez que vous serez récompensé. Merci. Ça, c'est toujours le cas numéro 1. Patricia, ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas tomber. Cas numéro 2, là, il faut lancer, bien sûr, l'appel dans une seconde. Rappelons quand même les tenants, les aboutissants. Depuis le mois d'août, on promet à Sabine 600 euros de dédommagement pour la casse lors de son déménagement. Nous sommes le 12 novembre et elle n'a toujours rien reçu. Eh bien, c'est parti. En tout cas, je vois des avocates de bonne humeur. Oui. Comme souvent le lundi matin, c'est bien. On va se retrouver tous dans une seconde. Viens. Oui, c'est vrai. Donc dans un instant, le cas numéro 2, et puis on reviendra sur cette histoire d'agence qui a vendu un appartement avec une petite annonce qui disait très très bon état. Et finalement, la toiture, elle est... Ce qui veut dire... pourri. A tout de suite sur RTL. Claire. Juliette, tiens-toi prête. Leclerc nous invite à vivre Légende de la Force, une célébration Star Wars à Disneyland Paris. Comment ça, mon commandant? En participant au grand jeu concours Disneyland avec des invitations galactiques à remporter et surtout un séjour VIP pour 4 personnes dans le luxe ultime du Disneyland Hotel. Génial! Allons vivre les Légendes de la Force! Du 23 octobre au 15 décembre, participez au grand jeu Disneyland Paris. Dès 30 euros d'achat ou pour deux produits partenaires achetés. Voir modalités dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. En route pour de nouvelles aventures, tous chez Leclerc. Lors de mes voyages, j'ai côtoyé le meilleur, mais j'ai aussi vu le pire. J'ai vu des familles perdre leurs terres et des enfants souffrir de la faim. Même si ces enfants ne sont pas les miens, j'ai décidé de faire un legs, parce que l'humanité est une seule et grande famille. Avec le CCFD Terre Solidaire, j'apporte ainsi ma pierre pour construire un monde plus juste. Demandez notre brochure legs. Appelez au 01 44 82 80 82. CCFD Terre Solidaire. Tous humains contre la faim. Dites donc, vous ! Moi, Madame Latsou ? Bah oui, vous ! Vous saviez qu'Akena fabrique aussi des pergolas ? Ah oui. Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra. Et elles sont sur mesure aussi ? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut ! Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein ? Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là ? Akena ? La reine des vérandas. Alors, il est comment le nouveau ? Ah, que du positif. En cuisine, par exemple, il a plein d'idées recettes toutes simples, mais tellement bonnes. Et comme il est rempli d'astuces pour rester en forme, je risque pas de prendre un gramme. Mais c'est une perle ! Il a même des super bons plans voyage. Puis tu sais quoi ? Il connaît des people. T'as raison, il a tout. Tout pour moi. Et tu l'as rencontré où ? Tout pour moi ? Bah, chez mon marchand de journaux. Tout pour moi, c'est votre nouveau magazine 3 en 1. People, conseils pratiques, jeux et plein d'autres choses encore. Tout pour moi, 100 pages, 1,90€ seulement, chaque lundi chez votre marchand de journaux. Tout pour moi, c'est tout pour vous. Business Affaires. La CAPEB accompagne les artisans et les entrepreneurs du bâtiment. Rendez-vous dans un instant avec Nicolas, artisan et adhérent de la CAPEB. Monoprix, tu sais que t'aimes les anniversaires quand tu vas à toutes les fêtes, même à celles des gens que tu ne connais pas. Et tu sais que t'aimes encore plus les anniversaires quand t'en as un chez Monoprix et que tu campes devant le magasin pour être le premier à fêter ça. Youpi ! L'anniversaire de Monoprix, c'est parti. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour un flacon douche crème de soin, le petit marseillais, beurre de karité et acacia 250 ml acheté, le second est offert jusqu'au 19 novembre seulement. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous attendons toujours qu'il se passe quelque chose dans le cas numéro 1 et que quelqu'un nous réponde. Est-ce que ça sera le cas ? Donc, c'est le cas de Patricia qui craint pour sa santé et celle de ses trois enfants. Et pour la sienne, son mari, elle vit dans un logement social indigne où la moisissure et les champignons ont pris leur quartier. On demande simplement à nos amis de la plaine normande, le bailleur social, de nous donner quelques explications et surtout, c'est même pas des explications, de voir comment elle peut vivre dignement puisqu'on doit avoir, je le rappelle, la jouissance paisible de son logement. Mais vous, Hervé, qu'avez-vous de nouveau ? Vous me demandez d'appeler le bon Dieu, j'appelle le bon Dieu. J'ai appelé CDC Habitat, donc le siège, la maison mère. Le président est actuellement en réunion. Lui aussi, mais c'est le lundi. Mais en revanche, j'ai eu l'une de ses collaboratrices qui prend le dossier et qui va prévenir le président pour s'en occuper. Donc on aura du nouveau très très rapidement. Bon, j'espère que Patricia a entendu. Vous êtes en ligne, Patricia ? Oui. Voilà, donc nous avons dérangé le grand président du groupe pour que justement il s'occupe de votre cas. J'aurai du nouveau d'ici quelques minutes, je l'espère. D'accord, Patricia ? Très bien, merci. À tout à l'heure. Si, je ne sais pas si vous avez une machine à capsule à café, mais profitez-en pour aller vous faire un ristretto il pantinco ou un pirtuno stantico tronco. Comment s'appellent les cafés ? C'est incompréhensible ces noms de café. Vous y comprenez quelque chose, non, vous mettez le nom ? Vous prenez quoi, vous ? Bon, Indria. Indria, c'est quoi ? Ah oui, c'est vrai, c'est une tequila, je m'en rappelle. Très connue. Ah ben voilà, ça va très vite. Écoutez, j'ai la directrice générale de la plaine normande. Eh ben, je la prends. Je peux vous la passer deux petites minutes. Elle est sortie de réunion uniquement pour elle vous parler. Elle est très gentille. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je m'appelle Julien Courbet, nous sommes en direct. Je suis l'animateur du 9h30, 11h sur RTL. Je suis en direct au moment où je suis en train de vous parler. Alors, pardon vraiment de vous déranger, mais nous essayons d'aider dans le cadre de l'émission. Patricia Fauvel, c'est une de vos locataires qui malheureusement a vraiment, j'ai vu les photos, de l'humidité, des champignons, de la moisissure partout dans son appartement. Alors, comment peut-on l'aider ? Oui, alors en fait, c'est un dossier que nous connaissons bien, le dossier de Madame Patricia Fauvel. On est en procédure judiciaire, on a un dossier de dommage ouvrage. Donc en fait, il y a des expertises qui ont eu lieu pour trouver la cause du sinistre, en fait, hein, de ces moisissures qui sont présentes et que nous connaissons. Donc en fait, on suit de près ce dossier pour savoir entre deux prestataires qui est la cause du sinistre pour pouvoir remédier un petit peu et mener les travaux nécessaires. J'entends et je vous félicite. Juste, madame, je me permets de vous interrompre, je comprends tout à fait et c'est très bien, bravo. Mais pendant ce temps-là, la locataire, elle, jusqu'à preuve du contraire, continue de payer son loyer et vit dans des conditions avec ses enfants. On a un médecin qui était en ligne tout à l'heure qui nous dit quand même que c'est pas terrible. Donc, est-ce qu'elle, elle doit attendre que votre procédure, si elle dure 2 ans, est-ce qu'elle va attendre 2 ans que ça avance ? Écoutez, ce qu'on peut faire s'il y a des problèmes d'hygiène, c'est lui proposer de changer de logement. Ben, je pense, le temps que ça avance, parce que, encore une fois, hein, Dominique Courtois, vous me confirmez, vous êtes médecin, vous vous occupez donc de tout ceci pour nous, vous confirmez que rester trop longtemps pour les enfants dans cet appartement, ça peut avoir vraiment des conséquences sur la santé. Je confirme tout à fait, Julien, 2 choses. Que ça peut avoir une conséquence immédiate pour la santé, voyez, au niveau des rhinites, des bronchites, mais surtout, ça va instaurer une sensibilité au niveau des voies respiratoires pour ces enfants et que, dans la majorité des cas, ils développent quelques années plus tard là, un asthme qui peut être gravissime. Donc, il ne faut plus que ces enfants restent dans cette maison un jour de plus. Mais madame, je vous conseille, vous connaissez le cas bien évidemment, mais d'aller voir les photos qui sont en ligne sur la page Facebook de l'émission. La page, ça peut vous arriver, vous allez voir, les murs sont verts hein, maintenant, c'est que de la moisissure. Donc c'est pas de l'exagération, c'est pas une petite tache de moisissure. Oui, non, mais nous connaissons effectivement le dossier car nous mettons tout en œuvre pour le résoudre. Et ce que je vais faire, c'est proposer un nouveau logement à cette famille. Le temps que ça avance, oui. Parce que je sais que vous avez un problème de dysfonctionnement de VMC, c'est là-dessus, je suppose, que vous devez vous battre juridiquement. Patricia, est-ce que je peux laisser cette dame parler avec vous pour essayer de vous faire une proposition le temps que les choses rentrent dans l'ordre? Ah oui, tout à fait. Bon, ben c'est parfait. Madame, je vous remercie. Je rappelle que vous étiez en réunion, vous a dérangé immédiatement. Vous êtes venu, ce qui prouve le sérieux de la plaine normande et je suis certain que vous voulez le meilleur pour vos locataires et vous tout nous le prouvez ce matin sur l'antenne d'RTL. Je vous félicite. Ce n'est pas le cas tous les jours, croyez-moi, et on est ravis d'avoir des interlocuteurs comme vous. Je vous repasse. Hervé Pouchol, merci madame, en vous souhaitant une bonne journée. Merci à votre service. Merci beaucoup, madame. Bon, ben voilà, Patricia. Normalement, il devrait y avoir un petit relogement rapide. Et le temps que les choses continuent, car on peut bien le dire, Maître Novakovic, je comprends qu'il se batte après contre un promoteur, mais le locataire, il y est pour rien. Oui, alors, Julien, je suis tout à fait d'accord, mais quand même, on peut lui le remercier, effectivement, le bailleur, parce qu'il est rare qu'un bailleur réagisse de cette manière aussi efficacement. C'est très, très bien. Je suis très contente pour notre auditrice. Allez, notre auditrice. Allez, contente. Je n'ai pas d'origine allemande. Bon, alors, de quoi parle-t-on, Charlotte, dans une seconde? De nombreux objets ont été cassés lors du déménagement de Sabine. La société lui avait promis une indemnisation, mais elle attend depuis 3 mois. Et on rappelle l'article de loi, puisque ça vous concerne, Maître Fellono. Hein, on a vu que de la vaisselle était cassée. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Ah oui. Vaisselle foutue. Je ne sais pas. Je vous laisse faire le titre. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburant. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver, à partir de 356€ TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. Je suis plombier. Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innovez autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail nissan.fr. Leclerc. Chérie, en ce moment chez Leclerc, tu as 70% de tickets Leclerc sur le lot de 3 dentifrices Signal Intégral. 70%, c'est énorme. Ben oui, 70% de tickets Leclerc. Moi, je prends. Du 13 au 24 novembre chez Leclerc, le lot de 3 dentifrices Signal Intégral de 75 ml chacun, variété au choix, est à 3,90€, soit 17,33€ le litre, avec en plus 70% ticket Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Ça fait 2,73€ sur ta carte Leclerc. T'as calculé ça, toi? Oui, oui, et ça fait bien 70%. Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients? Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe. Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger. Bon ben, on part travailler au soleil. Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Le deuxième cas va démarrer dans quelques instants. On revient sur cette annonce de vente d'appartement. Ensuite, beaucoup de choses à faire dans la deuxième demi-heure sur RTL. Out, il est 10h. Il me semble, puisqu'elle est à côté de moi, reconnaître Bénédicte Tassard pour les informations. Bonjour Bénédicte. Bonjour et bonjour à tous. 429 secondes d'écart, c'est un finish grandiose pour cette 40e route du Rhum remportée la nuit dernière par Francis Joyon après un duel très serré avec François Gabart et la bonne manœuvre au dernier moment. Francis Joyon a coupé la ligne d'arrivée en vainqueur après 4h du matin, heure de métropole, au bout d'une course de 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes. Il bat le record de 2014, celui de Loïc Perron, qui était de 7 jours, 15 heures, 8 minutes, 32 secondes. Les enseignants n'en peuvent plus. La petite phrase de Laurent Berger ce matin, le secrétaire national de la CFDT, évoque l'exaspération profonde des professeurs. Laurent Berger, qui soutient le mouvement de grève aujourd'hui contre les suppressions de postes à l'appel de tous les syndicats, la CFDT interpellera notamment les députés devant l'Assemblée nationale ce midi. Des défilés également un peu partout en France, dans une demi-heure, par exemple, à Caen et à 14h à Paris. Un incendie à Sevran, en Seine-Saint-Denis, la nuit dernière. Un feu a démarré dans la cage d'escalier d'un immeuble vers 4h du matin. 3 blessés graves, 20 blessés légers, dont 5 enfants. La Bourse de Paris, ce matin, le CAC 40 a ouvert à la hausse, à plus 0,46%. Les courses, ça se passe à Vincennes, et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 9, le 7, le 10... Le 15, le 13, le 5 et le 4, la dernière minute, c'est le 10, Aldo d'Argentrée. Le temps pour cet après-midi, la pluie va se décaler vers le sud de l'Aquitaine et la Lorraine. Entre le Limousin, la Bourgogne, Champagne et la Lorraine, les pluies seront donc orageuses et bien présentes. En revanche, il pleuvra faiblement des pays de Loire aux Hauts-de-France. Des averses orageuses aussi, près des côtes bretonnes et jusqu'au littoral de la Manche, avec un vent allant jusqu'à 60 km/h et de la pluie encore sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Languedoc, les Cévennes et les renforts du massif central. Le soleil, on le trouvera de midi Pyrénées-Roussillon jusqu'à l'Alsace et Rhône-Alpes et sur toute la Corse, les températures cet après-midi de 11 à 15 degrés près de la Manche et près de la frontière belge jusqu'à la côte atlantique, 15 à 20 degrés ailleurs jusqu'à 22 degrés près de la Méditerranée. 10h03, on retrouve Julien Courbet sur RTL. Oui, ne manquez pas le cas suivant, un certain Francis Tassard, mari d'une journaliste de radio qui aurait piqué de l'argent à son boulot. À tout de suite, il s'appelle pas Francis. Non. Quel est son prénom? Non, je le dis pas. Elle fait sa mission. Je vous le dirai à l'oreille. Oh, d'accord. Alors, je veux bien, alors. Donc, nous allons faire le point info en attendant les infos de 11h. Voici ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons commencé, Charlotte, avec Patricia. Son quotidien, ce sont des champignons et des moisissures. Vous pouvez voir des photos sur la page Facebook de l'émission. L'humidité a des conséquences sur sa santé et celle de ses enfants. Et nous avons lancé plein d'appels, ma chère Céline. Notamment au bailleur social, on a essayé plusieurs numéros et finalement, on a réussi à avoir la directrice d'agence, Sylvie Moutier. Qui a été très sympa et efficace, Hervé. Non, mais moi, j'ai eu la directrice générale de la Plaine Normande que vous avez eue en ligne, qui s'appelle Géraldine Gardette, qui va proposer un nouveau logement à notre amie Patricia. Le rendez-vous téléphonique sera cet après-midi, en début d'après-midi. Ce qui veut dire, et nous le notons pour notre JB qui s'est occupé de ce cas, que demain, nous espérons avoir des nouvelles sur l'antenne d'RTL. Le deuxième cas a été lancé, c'est un cas de déménagement. Sabine a l'impression que la société qui s'est occupée de son déménagement la balade depuis trois mois. Je vais juste faire une petite réunion de travail, là, comme on est lundi matin. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'émission pour qu'un mot sur deux soit écorché aujourd'hui? Entre Maître Novakovic qui nous a dit je ne sais plus quoi tout à l'heure. Vous voulez parler dans une autre langue ou quoi, Charlotte? Allez-y. C'est lundi matin. Depuis trois mois, la société lui promet un dédommagement pour la casse dont elle est responsable. Alors, non seulement des fois ça bug, mais des fois ça bloque sur une syllabe. La société, lui, c'est un peu particulier ce matin, mais vous arrivez à comprendre, bien sûr. Donc nous allons lancer l'appel dans une seconde. Et si vous voulez vraiment avoir le maître de celui qui prononce des phrases qui sont incompréhensibles, je donnerai la parole tout à l'heure à Bernard Sabat sur n'importe quel sujet. Je lui donnerai une minute pour nous expliquer un sujet d'actualité. Ce moment vous sera offert par RTL. Merci d'être avec nous. Bonne semaine. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Et justement, je vous propose de commencer formidablement la semaine avec l'un de vos acteurs préférés, André Dusselier. On parlera avec lui du film Mauvaises Herbes, dont il partage l'affiche avec Catherine Deneuve, et il viendra avec le réalisateur Kayron. André Dusselier est dans À la bonne heure, et la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Avec les jours Peugeot Pro, maîtrisez l'impossible. Vos compétences sont uniques et votre métier spécifique. Les experts Peugeot connaissent parfaitement votre activité. C'est pour cela qu'ils construisent avec vous votre projet d'utilitaire sur mesure pour qu'il s'adapte précisément à vos besoins. Pendant les jours Peugeot Pro jusqu'au 30 novembre, découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Soco, cuisine équipée. Cuisine en 6 lettres. C-A-D-E-A-U. C'est cadeau. Du 7 au 30 novembre, Soco vous offre 150 euros par tranche de 1000 euros d'achat. Et ça, c'est so wow. Soco, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur socook.com. La France Mutualiste. Bon, j'ai compris. Pour l'assurance vie, tu me conseilles la France Mutualiste. Mais pour la voiture de mon fils, tu passerais par qui? La France Mutualiste. Ils font les deux? Oui, et ils comparent même les assurances pour ton appart, si tu veux. On est bien chez eux, alors. T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne retraite, auto, habitation, prévoyance, santé, la France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. Dites-moi, mon petit, vous savez où Akena fabrique ses vérandas? Oh non, madame Latsou. Eh bien, c'est en France, en Vendée même. Ah bon? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel, vous voulez dire? En plus, Akena est élu leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous épate, non? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu. Akena, c'est du sérieux. Faites-moi confiance, y a pas mieux. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps, chez Renault... Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et j'accueille Sabine sur l'antenne d'RTL à 10h07 en direct. Bonjour Sabine. Bonjour Julien. Eh bien Sabine, c'est parti, vous nous appelez d'où? Je t'appelle de Lesneuvin en Bretagne. Sabine, c'est parti, parlez-nous de ce déménagement, on lance l'appel juste après. D'accord, ben fin juillet nous avons déménagé et on s'est aperçu que déjà ça s'est mal passé. Quelques jours après, on avait des meubles abîmés, des objets cassés. Donc moi j'ai fait une lettre de réclamation au service après-vente et au mois d'août on m'a envoyé un protocole d'accord pour une indemnité de 600 euros. D'accord. Et depuis, j'ai fait des lettres de réclamation, des mails, On m'a dit, on a du retard, on va vous envoyer le chèque. Et c'est tous les mois la même chose. Alors, on en profitera à l'issue et pendant ce cas pour donner toutes les règles d'or sur ces histoires de déménagement. Parce que, autant il est facile de se faire indemniser, de gagner sa procédure, mais faut-il avoir fait les choses en règle ? J'ai une petite question à vous poser, Sabine. Donc, l'objet de votre appel, c'est, oui, j'accepte cette négociation à 600, mais oui. Il ne la paie pas, c'est ça ? Voilà, c'est ça, bon, c'est exactement alors, ça. Est-ce qu'on a déjà des preuves qu'il y a eu une négociation à 600 ? Alors, effectivement, un protocole d'accord, d'ailleurs, pour être valable, Julien, il va voir transaction entre les parties, il faut qu'il soit écrit. Et c'est tout à fait le cas, il est signé, et la somme, on est d'accord sur la somme, il n'est pas exécuté. Et là, je peux vous dire que la société, elle joue gros. Parce que, du coup, alors qu'en principe, c'est de l'autorité de la chose, si personne ne peut toucher à ce protocole, eh bien, Sabine, elle sera en droit d'aller devant un juge pour demander l'exécution forcée de ce protocole et y ajouter des dommages et intérêts. Et quand on se moque de la tête des gens en signant des engagements qu'on ne respecte pas, je peux vous dire que les dommages et intérêts, en général, sont alloués. Alors, avant les règles d'or, nous lançons l'appel, s'il vous plaît, Céline. Nous appelons, et c'est Bernard Sabat qui va s'en occuper, oui. Nous appelons maintenant du côté de Paris, me semble-t-il, puisque ça doit être le siège. Allô ? Oui, allô, Demengo ? Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur, je me permets de vous appeler pour essayer d'aider une de vos clientes. Il y a eu un petit souci dans le déménagement et ça arrive avec toutes les compagnies, il y a eu un podcast et vous lui avez signé un protocole d'accord pour l'indemniser de 600 euros. C'était en juillet et malheureusement, elle se demande si c'était pas en juillet 2019 qu'elle serait payée. Elle n'a pas eu de... Non, elle n'a rien eu. D'accord. Ok. C'était quel nom ? Alors, c'est Madame Pouradier. D'accord. Claude, en fait, c'est au nom de son mari. D'accord. J'ai le numéro de dossier, si vous voulez, c'est le 12-26-24. Est-ce que vous voulez jeter un petit coup d'œil, monsieur ? Je vais regarder, par contre, bon, je sais pas, je vais... Moi, je suis au commercial, donc je... Ah, ben, peut-être pouvez-vous nous passer la comptabilité ? Julien, non. Je m'excuse. Je vous écoute, mais Sabine. Le numéro de dossier, c'est 197-475. Ah, non, ça, c'est... Moi, c'est... Ah, d'accord, moi, j'avais numéro de devis. En fait, c'est le dossier, c'est le 197-475. Voilà, c'est d'accord. Ça. Ok, d'accord. Bon, on va laisser monsieur. Alors, soit vous pouvez regarder monsieur, soit vous essayez de peut-être nous passer la comptabilité, ou alors monsieur Gafsou. Bah, je vais pas pouvoir, mais par contre, je vais peut-être demander de vous rappeler. Il y a un numéro, je peux vous rappeler. Alors, je vous passe Bernard Sabat pour essayer d'avoir un interlocuteur. Bernard, j'aimerais vraiment avoir un... Merci, monsieur, de votre gentillesse. Merci beaucoup. Bon, écoutez, Sabine, ça se passe plutôt pas mal. Pas avec ce monsieur, mais malheureusement, ce n'est pas lui qui a le chéquier. Alors, quand on n'a pas le chéquier, on est toujours de bonne humeur. C'est quand on a le chéquier en main et qu'il faut en faire un que l'on est un peu moins. Nous allons avoir un interlocuteur. C'est la mission, en tout cas, que nous nous fixons maintenant d'ici quelques minutes. Et... Ensuite, il va y avoir les règles d'or de Maître Felono sur le déménagement, écoutez les biens. Et on reviendra une nouvelle fois sur ce cas, parce que c'est un cas, Maître Novakovic, j'aimerais bien aussi avoir votre avis aussi là-dessus. C'est un cas, je trouve, particulièrement passionnant, puisque l'achat d'une maison, c'est l'achat d'une vie. Ça concerne tous ceux qui nous écoutent, qui rêvent un jour d'acheter leur petit appartement, leur petit pavillon, et qui tombent sur une agence. Et sur cette agence immobilière, il y a marqué, je l'ai là sous les yeux... Très bon état, les mots ont un sens, très bon état, habitable tout de suite. Or, quand on monte, on s'aperçoit que le toit et même la charpente est complètement pourri. Et là, souvent, les agents immobiliers, ça fait déjà trois fois, sur l'antenne d'RTL, nous disent « on ne peut pas monter sur le toit ». Mais alors, si tu ne peux pas monter sur le toit, ne marque pas de très bon état. Dis « ce que j'ai vu était en bon état, mais je n'ai pas vu le toit ». Oui, Julien, et d'ailleurs, effectivement, j'étais présente. Il faut savoir que lorsque on fait état, que l'agence... porte un jugement de valeur, elle s'engage par ce jugement. À partir du moment où une agence vous précise qu'il y a effectivement un toit en bon état, la jurisprudence décide de façon formelle que de toute façon l'agent immobilier engage sa responsabilité. Alors dans une seconde, nous aurons Sylvain Baron qui a pu discuter avec notre auditrice. Nous aurons une jurisprudence, vous verrez que ça a déjà été jugé ce genre de choses. Et nous verrons ce qu'a dit la jurisprudence et nous verrons comment nous allons avancer dans ce dossier avec notre auditrice. Ça se passera dans quelques instants, mon petit Bernard. Comment ça s'est passé avec ce... Bruno, le commercial, n'a pas souhaité raccrocher, Julien, et est en train de trouver un interlocuteur. Donc j'espère que ça va avancer. Ce matin, je tiens à le dire, on a des gens super sympa. Et c'est tellement mieux quand ça se passe comme ça, avec de la bienveillance, que personne ne s'énerve. Non, espérons qu'il va nous passer quelqu'un, que cette histoire de déménagement... Le mouche, le feu, c'est fait, c'est sûr qu'il va le faire. Ouais, bah tant mieux. Eh bien, nous allons écouter maintenant celui qui fête 50 ans de chansons, pendant que vous, Bernard, vous fêtez 34 ans dans le monde du voyage. Oh, merci, c'est merci, Julien Clerc, Quand je joue. Ne me demandez pas d'où je viens, qui je suis. Quand on est musicien, on est jamaïcain. Si le cœur vous en dit, C'est Julien Clerc quand je joue une alerte. Bernard Sabat, vous avez continué sur le cas du déménagement. La société qui s'est occupée du déménagement de Sabine Labalade, depuis 3 mois, elle lui promet un dédommagement pour la casse dont elle est responsable. Et vous avez eu des mangos ? Exactement, j'ai eu des mangos, le commercial dans un premier temps qui s'appelle Bruno, et puis il m'a passé son responsable Albert. Il est à l'antenne, il souhaite vous parler, Julien. Bonjour Albert. Bonjour Monsieur Courbet. Ravi de vous parler, Monsieur Albert. Merci. Pardon de vous déranger. Je suppose que c'est une petite erreur. Non, vous ne dérangez pas du tout. Alors je vous écoute. Vous ne dérangez pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Madame Poudardier ? On va. Je vais m'engager. En fait, je vous explique en gros le process. En fait, quand il y a un souci dans le déménagement, déjà j'en suis totalement désolé parce qu'on fait en sorte que ça se passe le mieux possible. En fait, c'est un dossier au niveau de l'assureur est ouvert et en gros l'assureur a 90 jours en fait pour rembourser. Donc à première vue, il tarde et nous on va faire en sorte que madame soit remboursée dans la semaine avec un bouquet de fleurs pour nous excuser. C'est très gentil. La procédure, malheureusement, c'est la moindre des choses. En fait, sur l'été, c'est les plus grosses périodes de déménagement. Donc, il y a pas mal de dossiers de tous les déménageurs, ce qui fait qu'au niveau de l'assureur, ça retarde énormément, ce qui porte préjudice à nos clients et nous, à notre image de marque. Mais dans le cas présent, on va faire un gros effort pour qu'elle soit, pour tanner l'assureur et quoi qu'il arrive, qu'elle soit remboursée. Dans je ne dirai qu'un mot. Bravo, Demingo. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci, Albert. Excusez-nous encore. Je vous en prie, Albert. Vous n'avez pas à vous excuser. Merci. Tout le monde peut commettre une petite erreur. Nous, les premiers, le pro, c'est celui qui arrive à rétablir la situation immédiatement. Vous avez entendu, Sabine ? Oui, j'ai entendu, oui. Bon, eh bien voilà, ça va se passer dans la semaine avec un petit bouquet en plus. Vous voyez comme ils sont sympas. Et vous nous tenez au courant, oui. Sabine, vous appelez Céline dès que ça a été fait, ok ? Dès que ça a été fait, j'appelle. Merci, Sabine. Dans une seconde, la farandole sur le déménagement des règles d'or, parce que là, finalement, il se passe exactement la même chose que sur le dossier de la moisissure. C'est-à-dire, nous rembourserons le client quand l'assurance nous aura remboursé. Nous allons voir ça. Que faut-il faire quand la marchandise arrive et qu'elle est cassée ? Est-ce qu'il faut envoyer une lettre commandée ? Tous les conseils vont vous être donnés maintenant par la grande maître Felono, qui est en train, au moment où je vous parle, d'enfiler un peignoir en soie, car elle préfère être à son aise pour vous conseiller. Ça va être très très chaud dans quelques instants sur RTL, je vous le dis. À tout de suite sur RTL. La CAPEB accompagne les artisans et les entrepreneurs du bâtiment. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes avant tout artisan, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Ah oui, mais c'est sûr que ça fait beaucoup de choses en même temps. Le suivi des chantiers, les demandes de devis, l'administratif. Mais alors comment est-ce que vous gérez tout ça ? Moi j'ai trouvé la solution avec la CAPEB. En fait, c'est un collègue qui m'en avait parlé. On adhère et on peut être aidé et défendu. Alors je les ai appelés et ils m'ont donné des conseils personnalisés. Lesquels, par exemple ? Moi, je voulais des informations fiables pour mes clients sur la rénovation énergétique. Un expert CAPEB m'a aidé et il m'a même proposé une formation adaptée avec une qualification à la clé. Eh bien, merci Nicolas. Pour rejoindre la CAPEB, appelez le 0 970 835 836 ou rendez-vous sur capeb.fr. CAPEB, vous conseiller, vous accompagner, vous défendre. Business Affaires. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburants. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice, au Palais des Sports de Paris, du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Ah au fait chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule, je suis plombier. Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Règlement conso d'énergie sur 67 euros ce mois-ci. faites des économies avec votre plus belle voix. Découvrez Soi, le seul fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte avec une station connectée à commande vocale pour faire jusqu'à 16% d'économies d'énergie. Soi est une filiale d'EDF. Conditions, éligibilité, liste des opérations pilotables à la voix et détails des économies d'énergie possibles sur Soi.fr. Soi s'engage à ce qu'il y ait autant d'électres renouvelables que d'électres consommés injectés dans le réseau. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Les règles d'or du déménagement. La règle d'or sur RTL. Alors prenons par le début, Maître Fellonneau. Déjà, quand je vais signer mon devis, je vais peut-être imposer une date de déménagement limite, puisqu'on l'a déjà vu dans l'émission. Ça fait 3 mois que j'attends que mes meubles arrivent, il n'y avait pas de date marquée sur le devis. Alors, ça c'est quelque chose de rarissime, Julien. Il est évident que même le déménageur, pour son planning, est obligé de vous fixer une date. Mais que cette date, elle a vraiment un caractère parfaitement obligatoire, et si elle n'est pas respectée, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Très bien. Deuxième règle d'or, Maître Fellonneau, du coup, j'arrive immédiatement, le déménagement arrive immédiatement, j'ouvre les cartons, je n'attends pas la Saint-Glinglin pour le faire. Je compte les cartons aussi, car il y a aussi les manquants, Julien, qu'on oublie un peu trop souvent dans l'histoire. On ouvre les cartons le plus vite possible, mais il est évident que l'on ne peut pas tout faire. Et la loi nous donne 10 jours pour ouvrir les cartons et faire des déclarations. Bien entendu, si on peut faire des réserves sur la lettre de voiture, c'est-à-dire le document de fin de déménagement, que le chef d'équipe va vous faire signer. Si vous avez déjà constaté des cartons abîmés, de la casse, vous le marquez immédiatement. Et vous avez 10 jours pour le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Attention, si vous loupez ce délai, c'est fini, c'est un délai de forclusion. Vous ne pouvez même plus rien demander devant un tribunal. Et alors très rapidement après, l'assurance, quand le professionnel dit « oui mais j'attends que mon assurance me rembourse », est-ce que c'est un argument valable ? Alors c'est un argument valable effectivement, Julien, quand il y a besoin d'une expertise de devis pour chiffrer les réparations, etc. Il faut savoir de combien on parle. Mais une assurance ne traîne pas en général. C'est qu'il y a souvent, eh bien on essaye, je dois le dire, enfin en tout cas c'est ce que nos auditeurs nous disent, on essaye un peu de vous décourager. Merci Maître Fellonneau. Dans quelques instants, donc cette histoire d'annonce, c'est un dossier que nous avons fait la semaine dernière et nous passons du temps là-dessus parce qu'il est très très très très très intéressant. Vous qui rêvez d'acheter votre petit appartement, votre petit pavillon, quand il s'agit bien sûr, quand il ne s'agit pas de neuf. Donc on rappelle les tenants et les aboutissants, on revient là-dessus après. Maître Novakovic va nous aider. C'est son troisième passage dans l'émission. Géraldine a acheté Maître Novakovic, une maison un peu plus, ça fait 20 ans maintenant. Hein, un petit millier de fois, mon ami. Géraldine, c'est son troisième passage. Elle a acheté une maison censée être en très bon état. Et finalement, toute la toiture est à refaire. Ah bah écoutez, là on continue de parler, c'est pas Maître Novakovic. Hein. Ah si, c'est Maître Novakovic. Je peux vous dire que la toiture de Maître Novakovic, elle est impeccable. Elle est brochée, elle est coupée, elle a un coiffeur d'Enghien d'ailleurs. Vous pourrez me donner son adresse parce que je fais mon one-man show à Enghien le 1er décembre au casino, dans le beau casino d'Enghien. D'ailleurs, si vous venez me voir, après vous pourrez aller jouer 1 ou 2 euros. Qui sait si vous allez pas repartir milliardaire à cause de moi ou grâce à moi. Alors tout Enghien est ravi de vous accueillir. Ah bah, les citoyens tout vraiment sont ravis. Les citoyens, bientôt elle va me dire. On va vous donner la médaille du mérite pour aller faire le couillon sur scène. L'ONU. Bon, alors ce coiffeur, il est là-bas en Guinée parce que je voudrais bien être sûr. Quoi. Eh bien, écoutez, j'irai, j'en profiterai, j'arriverai un petit peu plus tôt. Rendez-vous le 1er décembre. Et à Bordeaux, on y est le 12 janvier. Dans quelques instants, ce cas-là, après avoir écouté. Hey Paul. Ouais, remettez. Ça y est, je sais où j'avais entendu cette chanson. Eh oui. C'est la chanson de la tourtelle. Bien eh sûr. Oui, la bien bière sûr. Sans accord, bien sûr. Paul. Une tourtelle. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of both flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. We'll be right back. Bruno Mars sur l'antenne d'RTL. Gros dossier à venir juste après la petite pause que nous allons marquer. Nous aurons Sylvain Baron en ligne. Nous aurons un nouveau témoignage dans l'histoire de cette vente d'appartement avec la toiture à refaire alors qu'il était marqué sur l'annonce. Très bon état. Mais on a un rédacteur en chef heureux ce matin, c'est Alain Hazard, qui, vous le savez, supporte Nice. Et alors, vous m'avez dit, on dit merci à Jean-Jacques Bourdin, l'animateur de radio. Oui, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on avait du mal pour gagner ce match contre Nîmes. Et effectivement, avant le match, Jean-Jacques Bourdin, qui est le président d'honneur de Nîmes, De Nîmes a remonté effectivement les joueurs nîmois en leur disant qu'il avait un ami niçois, que les Niçois allaient bousculer les Nîmois et qu'il fallait avoir du répondant. Merci Jean-Jacques Bourdin, parce qu'effectivement on a deux joueurs de Nîmes qui ont été expulsés, notamment Landre qui a commis un attentat, et l'entraîneur adjoint Arpinon, il a insulté Vieira, il a été aussi expulsé par l'arbitre. Donc merci de ce petit coup de pouce, c'est gentil. Et vous avez gagné en plus. Donc on a gagné. On a écrasé Nîmes 1-0. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit pour qu'ils aient dans cet état? J'ai pas l'impression que l'entraîneur Blacard ait beaucoup apprécié la causerie de Bourdin, mais en tout cas, il les a bien remontés. Hein. Bon, écoutez, voilà, il a voulu les motiver un peu. On va se retrouver sur l'antenne d'RTL dans une seconde avec notre histoire d'agence immobilière. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien d'Anguin adorerait se doter de la fibre pour Noël, pour que sa douce, ses deux ados et lui puissent surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien Damien, détrompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibres à prix Noël. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 1 an, offre soumise à condition hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Leclerc. Chérie, bonne nouvelle, le carburant est à prix coûtant tout le mois de novembre chez Leclerc. Le carburant à prix coûtant? Je te promets, le carburant est vraiment à prix coûtant tout le mois de novembre chez Leclerc. Tout le mois de novembre? Tout le mois de novembre, le carburant est à prix coûtant chez Leclerc. Oh, je ne me lasse pas de le dire. Tout le mois de novembre, Leclerc vous offre tous les carburants à prix coûtant. Hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tout le mois de novembre, le carburant à prix coûtant chez Leclerc. Voilà. Bonjour, c'est moi le pavé de Rumsteak des restaurants La Boucherie. Oui, je sais, je suis bien dodu et j'assume. Pourtant, j'ai maigri. Je veux dire, au niveau de mon prix. J'ai perdu 4 euros quand même. Oui, en ce moment, dans votre restaurant La Boucherie, le pavé cœur de Rumsteak, origine France, est à seulement 13,90 €. Et ça me va bien. Pour votre santé, bougez plus. Conditions et adresses sur laboucherie.fr. On en parle. Le recyclage est une priorité du ministère de la Transition écologique et solidaire. Un secteur innovant et créateur d'emplois. On en parle dans un instant. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? C'est chez Lidl ! Ah oui, et on est encore dans la panade. En ce moment, les deux panés de cabillaud sont à 1,39€ au lieu d'1,79€. 1,39€, moins 22% sur les deux panés, ça peut plus durer. Ah bah si ! C'est du cabillaud issu de la pêche durable. Et chez Lidl, 75% des références de poissons sauvages frais et surgelés sont labellisées MSC dans sa gamme permanente. Eh bah on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 6,95€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 20 novembre. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de partir à l'aventure avec le SUV Peugeot 2008, et si vous êtes impatient de sortir des sentiers battus avec son grip control, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre SUV Peugeot 2008. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Allez, c'est parti, nous retraitons le cas de Géraldine traité la semaine dernière qui est pour nous un cas d'école. On rappelle les tenants et les aboutissants s'il vous plaît, Charlotte. Sa maison est dans un état catastrophique avec une charpente à refaire intégralement. Pourtant, l'annonce de l'agence présentait une maison en très bon état. Nous avons, rappelez-vous, Maître Novakovic, donc appelé l'agence. Alors, on a appelé l'agence, on a appelé le siège. Le siège nous a dit hors antenne, le problème c'est que l'agence est un franchisé. Ça, malheureusement, c'est des arguments que l'on ne peut pas entendre parce que à quoi ça sert de faire des pubs nationales en disant rentrez dans un magasin qui a notre marque, ça veut dire qu'il est sérieux, si après, quand il y a un problème, on nous dit ah oui mais c'est un franchisé, il fait ce qu'il veut. Bon, ça c'est à part. Ce franchisé nous dit eh bien, écoutez, moi, je ne peux pas monter sur le toit. Ce à quoi je lui avais répondu, on avait, et je m'en veux d'ailleurs, un dialogue un peu sportif, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, je lui dis, pourquoi vous mettez très bon état, monsieur, si vous n'êtes pas monté sur le toit? Mettez au moins très bon état, mais je ne suis pas monté sur le toit, donc sauf le toit dont je ne peux pas parler. Donc vous me confirmez que normalement, dès qu'il y a marqué très bon état habitable tout de suite, il y a une responsabilité de l'agence. Oui, parce que la personne qui achète se trouve effectivement en confiance, elle se dit bon, bah, la toiture étant en très bon état, c'est que vraiment, véritablement, je peux acheter sans vérifier. Alors Géraldine est en ligne avec nous. Géraldine, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez eu, et nous allons le prendre en ligne, notre expert qui a voulu en savoir un petit peu plus, notre expert en bâtiment, Sylvain Baron. Sylvain, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, bonjour. Sur cette toiture, qu'avez-vous à nous dire? C'est une catastrophe technique, encore une fois, malheureusement. On voit bien qu'elle est extrêmement vieillissante. Et je dirais même, pour des agents immobiliers qui ont quand même la connaissance de la structure, ils auraient pu au moins mettre le nez dessus et dire, attendez, les informations transmises qui disaient très bon état et habitable immédiatement sont erronées. Alors, ceci étant dit, Maître Novakovic et Sylvain Baron, mettons-nous aussi à la place donc, de cette agence. Ceinturie 21, c'est l'agence qui se trouve, pour qu'il n'y ait pas de confusion, à Pont-Saint-Martin. Il peut aussi nous dire, moi je ne fais que retransmettre ce que me dit le propriétaire qui vend. Mais alors, ouais, c'est trop facile. N'est-ce pas, Sylvain, hein, je pense que c'est trop facile. En réalité, si vous voulez, le tribunal considère qu'il engage sa responsabilité, sinon ça ne sert à rien de prendre une agence. Donc, au moins, à ce moment, il ne s'engage pas. Sinon, il dit voilà, à vous de voir, il y a cette maison à vendre, on ne donne pas de jugement de valeur. Dans votre l'expérience que vous avez, Sylvain Baron, il y a eu des jurisprudences, des choses comme ça. Il y en a pléthore. Vous en avez une? Beaucoup. J'en ai une sous les yeux et je vais juste vous la lire, vous allez voir. L'intermédiaire professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil qui implique non seulement qu'il délivre loyalement toutes les informations en sa possession, donc vous voyez, c'est qui sont aussi de nature à influer sur la décision de l'acquéreur, mais aussi qu'il se renseigne lui-même sur tous les points d'une certaine importance. C'est-à-dire la structure clou couvert. Voyez, vous nous l'aviez dit la semaine dernière, Maître Fellono, on ne vous croyait pas, et tout de suite quand Sylvain Baron le dit, on se dit oui, c'est lui qui a raison. Vous êtes d'accord? Mais lui, c'est un professionnel de la construction. Mais c'est vrai. Voilà. Bon, et alors, grand professionnel. Maintenant, aujourd'hui, il a été clair qui avait eu parmi les négociateurs le siège de Ceinturi 21, c'est vous Hervé, donc oui. Ils nous ont dit, bon pour l'instant nous on arrête là, on va au procès, en tout cas vous voyez avec le franchisé, c'est j'ai ça. J'ai même eu le président de Ceinturi 21 qui m'a appelé et il ne pouvait pas intervenir à l'antenne, c'est sa directrice du service après-vente. Alors maintenant, un autre élément, Maître Novakovic, avocate, qui peut peut-être aider Géraldine lorsqu'elle va lancer sa procédure, pouvez-vous nous en dire plus, JB, journaliste qui s'occupe de ce cas? Alors oui Julien, j'ai eu en ligne Romane. Alors qui est Romane? Cette jeune femme en fait a loué la maison de Géraldine à l'ancien propriétaire Johnny Arnaud pendant 6 mois en 2014. Alors forcément, je lui ai demandé de me décrire ses conditions de vie à l'époque. On va l'écouter, on a son témoignage. L'eau, en fait, remontait par les plinthes, le sol coulait du plafond, enfin, jusque dans les spots de la cuisine, toute notre nourriture pourrissait, tous nos meubles pourris, donc oui, elle était insalubre. Quand vous en parliez au propriétaire, qu'est-ce qu'il vous disait? Et il voulait rien savoir, pour lui, c'était pas vrai. Ça fuyait pas, il y avait pas d'eau dans la maison. Il n'a jamais voulu rien faire, alors que tous les locataires, enfin, cette maison-là, sur la Chevrolière, tout le monde le sait, elle prend l'eau, enfin, tout le monde le sait. Alors, si je récapitule, Maître Novakovic, s'il y a une procédure, il y a donc cette annonce avec marqué « très bon état », habitable immédiatement. Il y a le témoignage de la précédente locataire qui dit qu'il y avait de l'eau partout. Et il y a le témoignage du propriétaire qu'on a eu sur l'antenne qui nous a avoué humblement « C'est moi qui ai fait les réparations. Je lui ai demandé, êtes-vous un professionnel ?» Il m'a dit « Non, j'ai fait venir un copain qui, lui, s'y connaît. » Je lui ai dit « Y a-t-il eu un contrat pour qu'une assurance puisse jouer si ça a été mal fait ?» Il a dit « Non, non, on a fait ça à l'ancienne. » Ah, tout à fait. Alors, c'est extrêmement lourd. C'est un élément à charge. Ce que nous a trouvé, effectivement, notre cher journaliste, c'est très lourd. JB a tout à fait trouvé le témoignage qui peut vraiment être à charge contre le propriétaire parce qu'il nous dit véritablement qu'il n'y avait pas de problème, qu'il a juste fait des petits travaux comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une catastrophe. Regardez ce que dit Sylvain Baron. C'est une catastrophe, cette toiture. Donc vraiment, devant un tribunal, ce serait un échec pour lui, très certainement, en tout cas. Même si je ne suis pas voyante. Pour l'instant, les éléments ne sont pas bons du tout pour lui, en tout alors, cas. Alors, que doit faire maintenant Géraldine, avocat, pas avocat? Qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'il faut vraiment qu'elle passe à la vitesse. De toute urgence. Laissez-moi juste rappeler qu'il y en a... Non, non, je vous en prie. Il y en a pour 30 000 euros, mesdames et messieurs. Elle a acheté cet appartement en voyant cette agence chez Century 21 qui dit « Très bon état, habitable tout de suite. » Elle a payé ça 89 500 euros. Il y en a pour 30 000. 30 000 de toiture. Eh bien, fort de du témoignage donc récupéré par JB, fort du témoignage effectivement de Sylvain Baron, expert, elle devra saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour demander une expertise judiciaire. Alors, on sait que notre auditrice n'a pas beaucoup de moyens. Elle a des revenus qui sont égaux au SMIC. Donc, bien sûr, il faut qu'elle saisisse un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Et tous les frais d'expertise sont extrêmement lourds seront pris en charge par l'État. Alors Sylvain Baron, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je dirais que c'est vrai qu'il faut aller chercher le vendeur parce qu'il a une grosse responsabilité, mais je dirais on n'est pas sûr qu'il soit vraiment solvable. Je rajouterais l'agence immobilière et le notaire qui ont quand même chacun des obligations de vérification. Et je pense que l'agence immobilière, c'est le plus solvable de l'ensemble. Et à partir de là, ils pourront collecter de l'argent, puis après ils se débrouilleront pour le récupérer comme ils veulent en appelant à la cause celui qui a vendu. Alors Sylvie. Et il a complètement d'accord, et je suis complètement d'accord avec Sylvain, bien entendu. Moi j'ai toujours dit qu'il faut toujours assigner tout le monde, et comme ça, c'est le tribunal qui tranchera, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'entends suivre ce dossier personnellement, bon. Aux côtés effectivement de Géraldine, parce que c'est vraiment terrible ce qui lui arrive. Vous avez, et c'est super que vous fassiez ça, vraiment, Maître Novakovic, je vous remercie. Vous voulez rajouter si... Alors, moi, ce que je pense, Géraldine, qui est très inquiète, qui m'a même appelée après l'émission, et je comprends, parce que c'est l'achat de sa vie, elle nous avait demandé d'essayer d'obtenir les réparations, et aujourd'hui, elle se dit qu'elle ne s'en sortira pas, elle vise l'annulation de la vente. Et là-dessus, avec Sylvie, on est aussi parfaitement d'accord, contre l'agence, défaut dans l'obligation de renseignement et de conseil, et contre le propriétaire, on a l'impression qu'il y a eu vraiment vice caché volontairement. Ce sont des éléments qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'avocat du vendeur, qui avait déjà fait une proposition et qui va peut-être revenir vers Géraldine. Bon. Il faut que vous alliez voir votre avocat Géraldine, tout de suite. Quoi qu'il en soit, oui, vous l'avez compris, on va vous aider. Maître Novakovic, quand elle s'engage, c'est comme les supermarchés champions, en général, c'est à fond. Donc, sachez qu'elle va vous aider, vous accompagner. On va faire en sorte que l'aide juridictionnelle prennent tout ça en charge, il va y avoir une expertise judiciaire, tout ça va prendre un peu de temps, mais je donne ma parole qu'on donnera le résultat, parce qu'il va intéresser tout le monde, le résultat de ce procès, parce qu'on ne peut pas rentrer dans une agence, sinon ça ne sert à rien, comme vous l'avez dit, avec marqué « très bon état », et après entendre dire « oui, mais moi, monsieur, je ne peux pas monter sur le toit ». Non, ce n'est pas possible. Donc nous allons aller à fond, et si Century 21 veut intervenir sur l'antenne, ils sont prioritaires à n'importe quel moment, mais vous allez suivre pas à pas tout ce qui va se passer dans ce dossier. Et j'ajoute également qu'il faut savoir que l'agence immobilière est forcément assurée, donc c'est vraiment dommage de ne pas arriver à une solution amiable, mais peut-être qu'ils vont arriver à une solution, on ne sait jamais. Je redis au gérant de Pont-Saint-Martin de Century 21 qu'il est prioritaire pour venir nous parler sur l'antenne d'RTL, même s'il n'est pas d'accord avec nous, Dans quelques instants, nous enchaînons, Charlotte. Alexia et son conjoint ont investi plus de 200 000 euros pour un projet de villa pour seniors, mais depuis 4 ans, ils n'ont pas touché un seul loyer. Ça aussi, c'est un sacré retour que nous allons faire sur l'antenne d'RTL, l'émission qui ne lâche jamais l'affaire. A tout de suite sur RTL. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburant. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonjour, bienvenue chez Comme J'aime. Oui, J'appelle pour la semaine gratuite, mais j'imagine que c'est pas vraiment gratuit. Et si, madame, la première semaine est bien gratuite. Je vous envoie un colis d'un mois, vous testez la première semaine. Et après ? Si vous êtes satisfaite, vous continuez et vous ne payez que 3 semaines au lieu de 4. Et si ça ne me plaît pas ? À ce moment-là, vous nous retournez les 3 semaines restantes, frais de port à votre charge, et nous vous remboursons. Ah oui, donc c'est vraiment gratuit en fait. Bon bah, c'est parti, je me lance alors. Pour perdre vos kilos en trop, faites comme j'aime. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Service et appel gratuit. L'album blanc des Beatles. Leur plus grand album entièrement remixé inclut 27 titres unplugged. L'album blanc des Beatles, disponible en version super deluxe, deluxe et vinyle. Alors, il est comment le nouveau ? Ah, que du positif. En cuisine, par exemple, il a plein d'idées recettes toutes simples, mais tellement bonnes. Et comme il est rempli d'astuces pour rester en forme, je risque pas de prendre un gramme. Mais c'est une perle ! Il a même des super bons plans voyage. Puis tu sais quoi ? Il connaît des people. T'as raison, il a tout. Tout pour moi. Et tu l'as rencontré où ? Tout pour moi ? Bah, chez mon marchand de journaux. Tout pour moi, c'est votre nouveau magazine 3 en 1. People, conseils pratiques, jeux et plein d'autres choses encore. Tout pour moi, 100 pages, 1,90€ seulement, chaque lundi chez votre marchand de journaux. Tout pour moi, c'est tout pour vous. Intermarché vous propose d'écouter 2 plus 1 offert. Mon fils m'inquiète, il mange du sable et des graviers. Bah, donne-lui des rochers. En ce moment, pour l'achat de 2 boîtes de 30 Ferrero Rocher, la troisième est offerte et c'est seulement jusqu'au 18 novembre dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La boîte de 375 grammes. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Nouveau Peugeot Partner, maîtrisez l'impossible. Transporter des charges lourdes et rester agile, c'est possible avec les caméras arrière et latérale et l'indicateur de surcharge. Nouveau Partner, à l'épreuve de vos défis professionnels. Découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 à partir de 139€ hors taxes par mois avec banquette multiflex et entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km, premier loyer, 2155€ hors taxe sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et je viens de voir un truc qui me fait froid dans le dos. Il y aurait une start-up aux États-Unis qui permettrait de louer des chatons et des chiots. C'est-à-dire que vous les louez quelques temps, puis quand vous en avez marre, vous les ramenez. Puis il y a une autre famille qui les loue. Non, mais c'est une honte absolue. Bon, c'est aux États-Unis. Bah, ils font donc, ça avec les enfants. Qu'ils ont adopté, puis après ils n'en veulent plus. Il y a un site où ils les rendent, donc c'est pareil. Vous avez, raison. Vous avez entièrement raison de le dire. C'est même encore pire. Bon, nous, on a choisi de la défense animale, mais c'est quand même complètement ridicule. Donc, dans une seconde, nous allons revenir sur un autre dossier. Rappelez-nous les tenants et les aboutissants. Alexia et son conjoint ont investi plus de 200 000 euros pour un projet de villa pour seniors, mais depuis 4 ans, les appartements sont toujours inoccupés, les loyers ne sont pas payés. Et nous allons tenter avec toi, Hervé, et avec toi, mon frère, oui. Bernard, oui. D'avoir un responsable. Ah, je te promets. J'ai acheté l'appartement, il n'y a rien qui tourne. Viens, on va discuter un peu de ça, tranquillement, bien sûr. I wanna love you. Qu'est-ce que tu me racontes ? And treat you right. I wanna love you. Every day. Jump from

L'agrément. L'agrément. Alors cet agrément, on l'a cherché partout. Il paraît qu'il existe depuis le mois de mai maintenant. C'est ce que nous a dit le président de ce groupement de communes. Et on comprend encore moins pourquoi les résidences sont vides. Parce que le loyer est indépendant du remplissage des appartements. Et il est dû depuis 4 ans. Alors ça donne des situations catastrophiques. Puisque le prêt, pour ceux qui, à qui on a dit « Allez-y, investissez, vous serez remboursés par les loyers », est de 212 500 euros. Et rien n'est rentré. Rien de depuis 2012, donc c'est une cata absolue. Alors, qui avons-nous appelé, Charlotte, s'il vous plaît, lors de notre passage sur RTL la semaine dernière ? Nous avons eu surtout M. Schmitt, qui est le maire d'Hörmingen et l'administrateur de ce groupement de communes, que j'ai eu également hors antenne, et qui m'explique que pour la villa de McViller, ils ne peuvent pas proposer la villa de potentiels résidents, puisqu'ils n'ont pas l'autorisation d'ouvrir. J'ai contacté la préfecture à ce sujet, j'attends la réponse. J'ai également eu Mme Hammerbeck, qui est maire de McViller, et qui m'explique que le deuxième problème, c'est l'embauche du personnel et il manque de candidatures pour l'accueil des résidents. Concernant les retards de loyer, pour le groupement de communes, il n'est pas envisageable de faire un emprunt qui couvrirait les loyers. Selon M. Schmitt, la seule solution serait d'augmenter le coût mensuel pour le résident. La solution n'est évidemment pas idéale. Et il y a aussi une difficulté, c'est sur l'interprétation du bail. Est-ce que le bail commence à partir de la délivrance des autorisations ou à partir de la livraison de la construction ? C'est assez flou à ce sujet. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse, tout le monde se renvoie la balle. Les communes accusent le promoteur et la société qui a commercialisé le produit de ne pas avoir prévu la durée d'amortissement du projet. Quant à eux, ils accusent l'administration et ses blocages d'être responsables. Et au milieu de tout ça, des drames financiers. Imaginez, vous qui m'écoutez, on vous propose un placement, vous vous dites « j'ai aucun risque ». Puisque les loyers sont garantis. Et là, maintenant, on vous annonce que vous avez 200 000 euros à rembourser. Non. Et l'administration de Feria. Là, ça mérite un bon procès, quand même, Maître Fénonon. Enfin, je pense qu'ils se regroupent et qu'ils attaquent. C'est d'autant plus grave qu'en fait, la solution aurait pu être également d'annuler les ventes, d'annuler le bail et de reprendre ces appartements pour les louer à des particuliers. Mais c'est impossible, Julien. Parce que ces appartements, en fait, n'ont pas de cuisine. Ce sont comme des grandes chambres d'hôtel. Puis il y a une cuisine commune, un salon commun. Donc il faudrait aussi faire des travaux pour les rendre à l'habitation normale. Donc notre auditrice est complètement coincée. Alors, et je pense moi que le loyer est dû, parce que je ne sais pas où c'est flou, mais il est marqué clairement, le bail est consenti pour 10 ans et commence à courir à compter du 15e jour suivant la livraison des locaux. Les locaux, ça fait belle lurette que le groupement alors, a les clés et que qu'ils ont été livrés. Quel est ce groupement de communes ? Quelles sont les communes concernées, Charlotte ? On les a ? Oui, il y a la mairie de Hörmingen, surtout cette mairie-là, puisque son maire, M. Schmitt, est là administrateur du groupement de communes, mais il y a aussi la mairie de McViller et la mairie de Stege. Alors, on appelle les trois maires, le maire de McViller, le maire de Stege, le maire donc de Hörmingen, à nous dire ce qu'il compte faire pour ces pauvres gens qui sont maintenant plantés. Vous êtes vous-même planté, mais il faut assumer, trouver une solution. C'est aussi pour ça qu'on vote à un moment donné, parce que si un maire est là pour planter les gens, il ne faut pas qu'il soit maire, il faut qu'il trouve un autre métier. Donc, je le dis avec mes mots, mais il faut qu'il trouve une solution maintenant. Il a voulu faire de sa ville, la ville qui avait plein de résidences, monter des trucs. Peut-être qu'il faut un savoir-faire qu'il n'avait pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, maintenant, la situation, elle est là, il faut s'en sortir. Et puis, la préfecture, vous attendez donc de savoir pourquoi il n'y a toujours pas l'autorisation pour avoir du personnel qualifié. Effectivement, je les ai contactés vendredi, j'attends la réponse. Eh bien, nous allons rappeler tous ces gens-là, si vous le voulez bien, dès demain, et faire un feuilleton, parce que ça aussi, ce n'est pas normal que ça puisse arriver, et RTL ne laissera pas faire. En tout cas, essaiera d'avoir des explications. C'est juste ça pour l'instant, on n'en est qu'à ce stade, avoir des explications pourquoi ces pauvres gens sont plantés. Bernard, vous levez le bras depuis tout à l'heure, oui. Et je sais qu'à votre âge, trop longtemps, ça peut être dangereux. Pouvez-vous prendre la parole ? Non, je dois juste dire que la mairie de McViller, en l'occurrence Béatrice Beck, m'a appelé vendredi après-midi, c'est pour ça que Charlotte donc, a repris le dossier. C'est important de dire qu'elle n'a pas de solution parce qu'on lui a vendu une idée, au même titre que l'autre maire, de dire que dans le Haut-Rhin, ça fonctionnait, il y en a une qui est ouverte et les trois autres, évidemment, ne le sont pas. Bien responsable quand même, il y a bien quelqu'un qui a planté. Alors, on va reprendre tout le monde s'il le fait, on va re-rappeler tout le monde. Ce qui serait bien, Charlotte, c'est que vous ayez tout le monde au téléphone, et on diffusera ça demain ou après-demain, dès que vous serez prête. La commune, donc, Monsieur Schmitt qui nous dise le responsable, c'est un tel. La préfecture qui nous dise le responsable, c'est un tel. Et puis, celui qui a construit, comment s'appelle-t-il ? Maison Eden. Maison Eden, qui nous dise le responsable, c'est un tel. Mais c'est tellement facile de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. On ne fait rien pendant ce temps-là, mais 200 000 euros à rembourser. Mais ça doit être